L'incompétence est une agence, tous embauchés pour travailler. Je suis le seul qui est sans écueil. Ben voyons donc, on est tous cons. La gradation est la façon. Dis-moi plus clair, faisons lumière. Il y a les pieds bien allumés, des petits détails et on les raille. Il y a les pieds perfectionnés, au-dessus de tout, sauf le courroux. Il y a les pieds mal engueulés, qui est en erreur, sans voir les leurs. Il y a les pieds écervelés, mal agissant, dangereusement. Journée sans même marcher.